FrenchPod.com. Bonjour à tous, très bon réveil. Après 2 mois de chaos anti-CPE, les présidents d'université espèrent une reprise en cours ce matin. Tu sais quoi ? Un inconnu m'a offert des fleurs dans la rue. Et il t'a invité au restaurant ? Non, il est parti sans rien dire. C'est bizarre. Oui, c'est vraiment étrange. Attends, écoute la radio. C'est la journée internationale de la femme aujourd'hui. Tout s'explique. C'est la journée internationale de la femme aujourd'hui.